La police arrive. Ah, je les tiens, chef. Crie un policier. Ces petits voyous. Au commissariat. Pourquoi vous avez fait cela? Demande le commissaire. On ne peut pas répondre, mais c'est une question de vie ou de mort. On doit entrer dans le Louvre. Répond Guillaume, un peu nerveux. C'est grave ce que vous avez fait. Je suis obligé d'appeler vos parents. Un peu plus tard, les parents arrivent. Nous sommes désolés, commissaire. Heureusement, la pyramide est solide. Mais c'est très grave ce qu'ils ont fait. Ils seront appelés au tribunal. Entre-temps, surveillez-les. Maintenant, il est trop tard. Dit Guillaume désespéré en regardant sa montre. Les pires malheurs vont nous arriver. Chez Paul. Mais pourquoi tu as fait ça? Demande le père de Paul. Tu as entendu? On va nous convoquer au tribunal. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Non, la catastrophe, c'est pour bientôt. Dit Paul. Ses parents, fatigués, vont se coucher. Mais lui reste dans le salon, pensif. Peu après, on entend une sirène de pompiers. Dans la rue, il y a des gens affolés. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande un monsieur. Une explosion, c'est terrible! S'écrie une vieille dame. La voiture des pompiers s'arrête. On voit Paul et ses parents assis sur le trottoir. Ils sont en pyjama. Vous êtes blessés? Demande un pompier. Non, nous n'avons rien. Et heureusement, l'explosion n'a pas été trop violente. Il n'y a que la chambre de notre fils qui est endommagée. Vous savez ce qui a provoqué l'explosion? Non, je ne comprends pas. Dit le père de Paul. Dans la chambre, les pompiers retrouvent un bec Bunsen et une éprouvette.